soirée, jour et nuit. 7 jours sur 7, j'écris des bêtes, des textes sans arrêt, de l'hardcore. Au triste, je rappe sans limite, c'est mon inspire et mon état d'esprit. Un jour je peux écrire seulement pour dire qu'à tous ces ans, foirés de BD de merde qui m'ont foutu la haine, j'en nique leur mère. Rien d'autre, je m'élève au 7ème ciel et mon cœur, je déverse toutes mes faiblesses. Je laisse tout d'où je peux faire rêver et vibrer et aussi faire que les âmes s'envolent, mes couplets et textes naturellement. Ça sort, ça fait partie de moi. Le rap et les rimes, le chant et la musique, pouvoir tout dire au-delà des interdits. Telle est une de mes raisons de vivre. Mon rap irréaliste, parole moraliste, fleur en moi, plus de déforme, qui te cogne, voici mais l'odieuse, mais pourtant si hargneuse de l'hardcore. Autriste, elle est ma zik, qui je kick sur le beat, traducteur que ça pèse ou pas, je m'en tape, c'est mon blaze dans le rap. Dès que je passe, tout se dépasse, alors tous ceux qui font pas le poids, qui se cassent, ni personne ne m'empêchera d'aller vers ma victoire. Mon rap, c'est du rap conscient pour éveiller les consciences, barrer par les subconscients, c'est pas pour les inconscients. Je crache mes phrases qui te défasent, des phrases qui ravagent ton âme avec une putain de belle voix. C'est des rimes meurtrières qui te blessent, des rimes chaudes comme la braise qui te baise. Et j'en parle trop, critique mon flow, mais à quoi bon parler, essayer de résumer. C'est des jaloux qui incapables de rien réaliser, donnent banalement de descente éliminée. Veulent te voir chuter, mais de mon but je suis si près. C'est pas maintenant que je vais abandonner, les pas tombés. J'apprise, ne soyez pas surpris pour tous les beaux parleurs, tous ces mythos menteurs. Avouez-vous vaincu et moi vainqueur. C'est moi qui fais des skeux, des vauriens à part attendre votre heure, n'y est pas le seul. J'ai pris mes jambes à mon cou afin d'aller jusqu'au bout de tout. Mon rap irréaliste, parole moraliste, fleur en moi, plus de déforme qui te cogne, voici mais l'odieuse, mais pourtant si hargneuse de l'hardcore. Autriste, elle est ma zik, qui je kick sur le beat, traducteur que ça pèse ou pas, je m'en tape, c'est mon blaze dans le rap. Dès que je passe, tout se dépasse, alors tous ceux qui font pas le poids, qui se cassent, ni personne ne m'empêchera d'aller vers ma victoire. Arrêtez de sucer, le succès c'est pour moi qu'il suit, suez tous, mais sachez qu'il fallait pas me saouler. La cour des créations, tout ça c'est terminé. Maintenant j'ai une bonne raison, j'ai plus un mot. Pour mes un mic, un casque et ma voix, mais mieux en place. Je lâche ma rage pour les bolos, arrêtez vos vieilles bros. C'est mon micro qui pose, alors je vous dis pose. Pose-toi et même propose-toi si tu veux causer avec moi. Mon rap est inflammable, alors t'enflamme pas quand tu parles avec moi. Maintenant je blague plus, je te consume sur cet instru. Ça l'intruse, t'es un virus, alors je serai l'antivirus. Mon rap irréaliste, parole moraliste, fleur en norme qui te déforme et qui te cogne, voici mais l'odieuse, mais pourtant si hargneuse de l'hardcore. Autriste, elle est ma zik et je kick sur le beat. Habiteur, ça pèse ou pas, je m'en tape, c'est mon blaze dans le rap. Dès que je passe, tout se trépasse, alors tous ceux qui font pas le poids, qu'ils se cassent, ni personne ne m'empêchera d'aller vers ma victoire. Mes mesures, des mesures, l'écoute de tous qui veulent faire les shows, l'arbitre est toujours là et je n'abandonnerai pas mon rap de l'hardcore. Au triste, du sombre à l'illumination, moi et mon rap, on s'impose, je t'informe pour information personnelle que dans ce milieu, je suis un criminel, que dans ce milieu, je suis un criminel.